الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله جل وعلا في القرآن العظيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre أن هذه الدنيا, أي ce bas monde, c'est متاع. فمتاع هذه الدنيا, il est قليل. C'est pas quelque chose qui reste. C'est éphémère. أما الآخرة, فكما قال سبحانه, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ يقول الشيخ سعدي رحمة الله عليه أي أَفَلَا يَكُونُ لَكُمْ عُقُولٌ بِهَا تَزِينُونَ أي الأمور أولى بالإيثار. الشيخ سعدي explique ce verset فيقول قول الله عز وجل أَفَلَا تَعْقِلُونَ أي est-ce que vous avez la raison pour pouvoir savoir c'est quelle demeure, imma ad-dunya, imma al-akhira, qu'il faut faire passer avant. Tazinouna ayyul umur awla bil-ithar. Fala shak an al-aqila, al-muwaffaq, al-mu'min, il fait passer al-akhira avant dunya. Qul mata'u ad-dunya qalil. Hadihi ad-dunya mata'u haylik qalil, kama akhbar Allahu azza wa jalla. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain tu es malade. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain tu en as plus. Aujourd'hui, tu es à la khayr et demain, Allahu a'lam bi halik wa bi halina. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala al-afiya. Fal-aqil, da'iman imidit fi hadha. Wal-mu'min walillahi alhamd, il sait annahu il rencontrera Allah azza wa jal. Al-mu'min, il sait qu'après la mort, il y a plusieurs étapes. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال أفلا تعقلون. فcelui qui médite أنه il rendra des comptes. Celui qui médite أن après la mort c'est que le commencement في الحقيقة. فإي fait tout pour préparer ce moment. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا وما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. Ce verset nous démontre « Anna ceux qui délaissent l'amal, ils œuvrent pas pour l'akhira, ils pensent qu'à dunya, qu'à cette étape éphémère, fa fil haqiqa, ils ont un problème fi uqulihim. La shak annahum, ils ont un problème dans leur din, dans leur foi, lakin kadhalik la raison. Li anna l'aqil, il prépare cette étape où il n'y a aucun doute, أن chacun d'entre nous y rencontrera Allah Azza wa Jal. وتقدم معنا ولله الحمد والمنة أن تذاكرنا مع إخواننا هذا الموضوع المهم. الحمد لله, on avait étudié avec nos frères dans des kalimat avant cette kalima. On avait étudié fitna ad-dunya, كذلك on avait fait une kalima sur le maut, كذلك sur al-qabr. وفي هذا اليوم نواصل بإذن الله عز وجل ونتكلم عن البعث والنشور ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أخبر الله عز وجل وبين في هذه الآية مراحل الإنسان. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il montre les étapes de l'être humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet homme, qui a créé cette femme. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً إِلَىٰ آخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala il montre les étapes, la création de cet être humain dans le ventre de sa mère, إِلَىٰ آخِرِ. ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلْ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Après cette vie, tu mourras. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Une autre étape après la mort, الْبَعْث, la résurrection. وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَيَنْقَادْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et في الحقيقة, c'est ce point qui différencie المؤمن du كافر. لأن الكافر عياذا بالله il fait tout pour cette dunya. لأن il lui manque ce iman العظيم. أما المؤمن فلا, il sait que cette dunya c'est une étape فقط. Il prépare quelque chose, il a un objectif, il a un but. فلهذا الكفار أنكروا هذا اليوم. الكفار ils ont rejeté, ils ont démenti هذا البعث, la résurrection. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Donc ils ont prétendu أن الله سبحانه وتعالى il les ressuscitera pas. قال عز وجل قل بلى وربي لتبعثن لتبعثن. الله سبحانه وتعالى il a juré أنه il les ressuscitera. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. هذا حال الكافر. أن الله سبحانه وتعالى il l'a créé de rien. Il lui a donné. Il l'a أرزق من المال والبنين etc. ثم هذا الكافر ça devient un خصيم لله عز وجل. أنه يدمن, أنه ينسلت, أنه يسمك, أنه يكوّب أو مساجد الله عز وجل. قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. حتى سكافر il oublie que Allah سبحانه وتعالى il l'a créé et il ose dire قال من يحيي العظام وهي رميم. أي qui sait qui pourra refaire vivre ce mort alors que il est devenu poussière. Ses os, c'est devenu de la poussière. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمِ. قَالَ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala يقول celui qui a créé ce kafir au départ, il est capable de le ressusciter. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إِنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلْ أَخَذَ عَظْمًا مِنَ الْبَطْحَاءِ فَفَتَّهُ بِيَدِهِ. Al-As ibn Wa'il, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un os, fa-fattahu biyadihi. Cet os, il était devenu poussière. Thumma qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ayuhyi Allah hadha ba'dama arima. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter hadha, alors que ses os, ils sont devenus poussière? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit نعم الله سبحانه وتعالى il te fera mourir, il te fera revivre et il te fera rentrer جهنم أي النار en enfer عياذا بالله. فقال نزلت الآيات من آخر ياسين. Et ça c'est سبب نزول هذه الآية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أي العاص ابن وائل. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. الشيخ مقبل رحمة الله عليه إلا سيتي كذلك في الصحيح المسند من أسباب النزول. وقال سبحانه أي في الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله من يموت أي الكافر يجور وأقسموا بالله جهد أيمانهم أيمان مغلظة يجور أن الله سبحانه وتعالى يفرى با revivre les morts. قال عز وجل بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فاحذر أخي الكريم احذر de cette غفلة. Fais attention de ne pas oublier هذا اليوم العظيم. Il y en a ceux qui oublient ce jour كما هو حال الكفرة المجرمين. Ils font plus aucun effort, ils ont plus aucune limite. لماذا لأنهم pensent que cette dunya c'est la seule étape فقط. Ils ont oublié le reste. فلهذا قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La plupart des gens ils savent pas. والله المستعان la plupart d'entre eux ils veulent pas savoir. قال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أي ce jour là quand on sera ressuscité ça sera un jour pour trancher entre l'ibad. الخلافات entre l'ibad, entre le kafir, entre le mu'min, entre le mushrik, entre le muwahhid, Allah subhanahu wa ta'ala yihkum bilhaq, il tranchera bilhaq bayna ha'oula. Et ce jour-là, tout le monde s'apercevra anna ha'oula, c'était des kadhaboun, al-kafara. Innama qawluna li shay'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun. Le mu'min, il a cette croyance. « Annallaha azza wa jal, s'il veut quelque chose, fayakoulu lahu kun fayakoun. »« Fawadullahi haq, fala taghtar bihadihi dunya zaila akhil karim. » Daiman, on met en garde contre cette fitna. Fitnatu ad-dunya. « Qala azza wa jal, thalika bi annallaha huwa al-haq, wa annahu yuhyil mawta, wa annahu ala kulli shay'in qadir. » وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Tu dois avoir aucun doute sur هذا. أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Et أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il fera revivre les morts. لِأَنَّهُ il est capable de toutes choses. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. N'aie aucun doute sur هذا. أَنَّ l'heure elle arrivera. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il ressuscitera les morts. سُبْحَانَهُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثم ينفخ في الصور. أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة قال الله سبحانه وتعالى يدسدغ كسلر يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور. Il ordonnera à ce ملك de souffler dans la trompe. ثم ينفخ في الصور فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا. Aïe, cet ange, il soufflera, tout le monde entendra ce son, ce souffle, ce bruit. وَجَاءَ فِي حَدِيثْ آخر فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلصُّورِ فَسَأَلَ أَعْرَابِيٌ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنِ الصُّورِ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ. Et dans un autre hadith, أعرابي من الأعراب il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم عن الصور. Il lui a dit قرن ينفخ فيه. Aïe, c'est une trompe dans laquelle ce ملك y soufflera. الحديث صححه الإمام الألباني في الصحيحة. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن ترتد إليه طرفه. كذلك un autre hadith que Cheikh Al-Albani كذلك il authentifie في الصحيحة أن هذا الملك depuis que Allah سبحانه وتعالى il lui a donné cette responsabilité de souffler sur la trompe il attend et il a le regard dirigé en direction du trône d'Allah سبحانه وتعالى et il attend l'ordre de Allah عز وجل de souffler. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. La première personne qui entendra le souffle, le bruit, رجل يلوط حوض إبله. Ça sera un homme qui sera en train de s'occuper du bassin de ses chameaux. قال فيسعق ويسعق الناس. Cet homme quand il entendra, il tombera et mourra, wa hakadha jami'un nas, et hakadha toutes les personnes. Thumma yursilu Allah aw qala yunzilu Allah mataran ka'annahu tal fatanbutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuru. Thumma cet ange aw qabla dhalik an Allah subhanahu wa ta'ala, quand tout le monde mourra, Allah azza wa jalla fera descendre mataran ka'annahu tal, ay une pluie douce khafifa, فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَدُ النَّاسِ. Enfin, cette pluie, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, ça sera la cause que tous les êtres humains y sortiront de leur tombe. ثُمَّ يُنْفَقُ فِيهِ أُخْرَى, et cette pluie, أقصد أن أرواح الناس, elle reviendra dans leur corps. Et les âmes, elles reviendront dans les corps, de ces êtres humains. ثُمَّ يُنْفَقُ فِيهِ أُخْرَى, ثُمَّ cet ange y soufflera une seconde fois. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, aïe, tout le monde se lèvera et tout le monde attendra. يَنْظُرُونَ, aïe, ils regarderont. وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنَّمَا بَيْنَا النَّفْخَتَيْنَ أَرْبَعُونَ. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال مَا بَيْنَا النَّفْخَتَيْنَ أَرْبَعُونَ. Dans le hadith de Abu Huraira رضي الله تعالى عنه, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit entre les deux souffles il y aura 40. فقالوا يا أبا هريرة أربعون يوما, ils ont demandé à Abu Huraira 40 jours. قال أبيت, il a refusé de répondre. قالوا أربعون شهرا, قال أبيت, il a refusé كذلك. قالوا أربعون سنة, قال أبيت, il a refusé كذلك de répondre. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas précisé. قال أربعون, فالله أعلم, ça sera, est-ce que ça sera 40 jours, 40 mois ou 40 ans. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الانسان شيء يبلى الا عظما واحدا هو عجب الذنب. Et dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il nous montre ان الانسان quand il sera dans sa tombe et ses os deviendront poussière, il n'y a qu'une chose qui restera, ça sera cet os, عجب الذنب. Ils traduisent par le coccyx. وَمِنْهُ يُرَكَّبَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, et à partir de cet os, هذا الإنسان, il sera créé une deuxième fois par Allah عز وجل, ou ressuscité par Allah سبحانه وتعالى. قال عز وجل وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. هذه الآية elle récapitule tous ces hadiths qu'on vient de voir. وَنُفِخَ فِي الصُّور, le premier souffle. فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, et tout le monde sera terrifié, tout le monde mourra, إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il veut préserver. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, et une seconde fois, un second souffle. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Fa prépare ce jour, akhil karim, لِأَنَّا, on est tous concernés. Qu'est-ce que t'as préparé pour هذا اليوم? Est-ce que tu feras partie de Ha'oula qu'ils ont cru, Al-Mu'minoun, Al-Salihoun, Annahum, ils ont préparé ce jour, ils ont des bagages. Imanun wa a'malun saliha. Aw iyadan billah al-kafara. Annahum, ils préparent rien pour ce jour. Ils l'ont oublié. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il les oubliera. Ay, il les délaissera kadhalik fi hada al-yawm. Ta'ammal ma'i, qawlu Allah azza wa jal, wa nufikha fi s-sur. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, أي الأجداث بمعنى القبور, أي quand Allah subhanahu wa ta'ala il ordonnera ce malak de souffler, أي c'est le second souffle هنا, هؤلاء ils sortiront de leur tombe. قَالُوا, أي الكفار, قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. يَا وَيْلَنَا, أي malheur à nous, qui c'est qui nous a réveillés de notre endroit, alors qu'ils étaient fi azab, et ils étaient fait chida dans leur tombe, comme on a expliqué dans la muhadara précédente à ce sujet. Lakin, ce qui les attend, c'est achid. Falihada, ils sont terrifiés, annahum, ils sont ressuscités. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina, hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursaloon. Fa dans ce verset, tahal al-mu'min et tahal al-kafir. Amma al-mu'min, celui qui a préparé ce jour, qui a donné de l'importance à ce jour, qui a fait attention et qui s'est écarté de cette fitna et fitna de dunya, fayaqul hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, il nous a fait promis, wa sadaqa al-mursalun. Et les messagers, ils ont dit vrai. Ha'oula, ils étaient convaincus annahum, ils seraient ressuscités, ils étaient convaincus annahum, ils rendront des comptes. Hadha ma wa'ada ar-rahman. Et ta'ammalou le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont choisi, ar-rahman, li'annahum, ils espèrent rahmatallahi azza wa jal fi hadha al-yawm. Amma al-kafir, famadha yaqul? Ya waylana man ba'athana min marqadina. Ay malheur à nous, qui c'est qui nous a ressuscité? Limadha li'anna al-kafir, il a donné aucune valeur à ce jour. Il n'a pas préparé ce jour. Il pensait qu'à cette dunya. Il pensait qu'à ses plaisirs. Il ne voulait pas obéir. Fa'al-an, le jour des regrets. Qala Allahu jalla wa ala wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra sa'atin kadhalika yu'fakun. Hatta ce jour, quand ils seront ressuscités, ha'ula al-mujrimun, ils jureront. Yuqsimu al-mujrimun. Ils jureront ma labithu ghayra sa'a. Annahum, ils ne sont pas restés. Ou ils sont restés sur terre qu'un moment. As-sa'a huna, al-murad, c'est un moment, un instant. Yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra sa'a. Kadhalika yu'fakun. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithum fi kitabillahi ila yawm al-ba'th. Al mu'minun ils répondront. Qala al-imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ay min yawmi khuliqtum ila an bu'ithum. Ay ils répondront annahum, vous êtes restés sur terre depuis que Allah subhanahu wa ta'ala il vous a créé jusqu'à ce jour où il vous a ressuscité. Qala azza wa jal fa hadha yawm al-ba'th. ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون قال ابن كثير رحمه الله اي لا يرجعون الى الدنيا اي ce jour قال عز وجل لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم اي les excuses de هؤلاء الكفره ils seront pas acceptées لان الله سبحانه وتعالى il a envoyé des messagers pour tout le monde. Il a révélé Al-Qur'an al-Karim pour tout le monde. Al-Ulama wa talabat al-ilm, ils transmettent ce message. Al-Ulama wa rathat al-Anbiya. Et tu trouves Al-Kafir, Al-Mujrim, il rejette, il se moque. Il ne donne aucune importance à ce haq, bel il le combat. Thumma yawm al-Qiyamah, il cherchera des excuses. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les acceptera pas. Fayawma idhin, la yinfa'u alladhina zalamu. C'est des zalamah, ils sont injustes. Ils sont injustes envers les messagers, ils sont injustes envers les croyants, ils sont injustes envers eux-mêmes. فَفِي هَذَا الْيَوْمِ ça sera d'aucune utilité toutes ces excuses. وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَتَأَمَّلْ أَخِي الْكَرِيمِ أَنَّ pour un instant, pour un moment, une année, 10 ans, 15 ans, 20 ans, fait dunya, ils ont tout perdu. يَوْمَ الْقِيَامِ وَتَأَمَّلْ كَذَلِكَ أَنَّهُمْ ils reviendront pas. Et c'est là la gravité. أَنَّ فِي الدُّنْيَا tu peux faire une erreur. Tu peux faire tawba, tu peux demander pardon, tu peux délaisser cette chose, tu peux revenir. Amma, après la résurrection, fala yinfa'had. Chacun, il sera jugé par rapport à ce qu'il a fait. Donc on doit faire des efforts fi had. Notre objectif c'est had. Et on fait attention à tout ce qui nous écarte de had. Aïe, pensez à l'akhira. Wa qala azza wa jal, wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar. يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فتأمل ce second verset أنهم كذلك ils penseront quand Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscitera أنهم ils sont restés في هذه الدنيا إلا ساعة أي un moment من النهار. فتأمل un moment de la journée فقط. Alors que ربما ce kafir il est resté في هذه الدنيا une dizaine d'années, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou akthar. Et ma'a hadha, fi hadha liyoum, tout ça pour lui, ça sera qu'un instant. Qala azza wa jal, yata'arafuna baynahum qad khasira alladhina kadhabu bi liqa illa. Al-an, ils sont perdants. Fala tartar bil kuffar. Ne sois pas impressionné par le kafara. Tout ce que tu vois al-an, annahum, ils ont de l'orgueil, annahum, ils combattent l'islam, annahum, ils se moquent. Annahum, ils sont prétentieux, orgueilleux. La tartar. Wallahi, tout ça c'est éphémère. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'illah. Ils seront ressuscités comme toi. Il sera ressuscité nu, pieds nus comme toi. Et fi hadha al-hal, il espérera revenir, lakin c'est fini. Qala 'azza wa jalla, qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'illah. C'est quoi qui les a emmenés à leur perte? Annahum kadhabu bi liqa'illah. Ay la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, la résurrection, yawm al-qiyamah, les comptes, tout ça, ils ont démenti, iyadam billah, wa ma kanu muhtadin. Kadhalik, ils ont délaissé le huda. Ils ont délaissé la voie des messagers. Ils ont délaissé le tawhid. Ils ont délaissé l'iman. Ils ont délaissé le salat. Ils ont délaissé l'islam. Fa, iyadam billah, ils ont causé leur propre perte. Fa khasaratun wallah. Taqdim hadhihi ad-dunya al-faniya ala al-akhirah al-baqiyah. C'est une très grande perte et ça ne fait pas partie du tawfiq, de l'iman, bel du aql as-salim, de faire passer cette dunya avant l'akhirah. Fahdhar min al-ghafla akhi al-karim. On doit faire attention à l'ghafla. Al-ghafla, c'est l'insouciance. Oublier, rentrer dans ce système de dunya et ne plus faire d'efforts pour notre din, ne plus faire d'efforts pour l'ilm. La taghfal an hadha al-yawm, ça va très vite. Celui qui meurt, son jugement, le qiyama, ça commence pour lui. Ce qu'on a cité, ça c'est pour ceux qui vont rester jusqu'à yawm al-qiyama. Amma, chacun qui meurt, ça commence pour lui l'akhira. Al-barzakh, comme on l'avait expliqué, hatta ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala al-malak bi al-nafkh fi al-sur. Donc on doit faire attention, ça peut arriver à tout moment. Je suis concerné, tu es concerné, on est tous concernés. فالحذر من الغفلة كذلك أو قبل ذلك قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذرهم أي préviens-les, mets-les en garde. هكذا يقول الله عز وجل à son prophète محمد صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة. Et préviens-les un jour où il y aura des regrets. Ya waylana man ba'athana min marqadina. Ay regret l'an, lakin la yinfa. Les regrets, c'est utile fi dunya. An al-insan, il se remet en cause, il se remet en question. Si quelqu'un le conseille, il accepte un nasiha, il fait des efforts. Amma, après la mort, après la résurrection, fala yinfa. Wa anzirhum yawm al-hasrati, idh qudhi al-amr. Ay c'est fini. قضي الامر اي الله سبحانه وتعالى il a laissé un temps à chacun pour œuvrer, pour se repentir, pour se corriger. Amma après la mort, قضي الامر, c'est fini. اي les comptes الان وهم في غفله وهم لا يؤمنون. Et هؤلاء, cette étape, ils n'en ont pas profité de dunya. Amma le mu'min, il en profite fi dunya. Et profiter de dunya, ça ne veut pas dire se faire plaisir et suivre ces passions là profiter de dunya, ça veut dire préparer l'akhirah. Préparer l'akhira, donner de l'importance à ce ilm, donner de l'importance à cette aqidah, à cette croyance, donner l'importance à salat, donner l'importance à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donner de l'importance à ce din. Fahada, inshallah, il a préparé l'akhira. Amma ha'oula, ils étaient fi ghafla. Kama qala azza wa jalla, wahum fi ghaflatin. Ils étaient insouciants. Ils ont oublié hada liyom. Wa ta'ammal hal al kuffar al-an. Ils vivent comme des animaux. Annahum, aucune importance ils donnent à l'akhira. Bel pour eux, parler du jour de la résurrection, parler de la mort, parler du paradis, de l'enfer. Pour eux, l'âne, c'est quelque chose de... Pour eux, c'est les faibles d'esprit qui parlent de had. قَالَ عَزَّ وَجَلُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِحْذَرْ كَذَلِكْ وَإِيَّاكَ أَنْ تُشْغَلْ عَنْ هَذَا الْيَوْمُ الْعَظِيمُ. Fais attention, كَذَلِكْ, de ne pas te laisser aller et laisser des choses te préoccuper, prendre le dessus. Tu oublieras ce jour. قَالَ عَزَّ وَجَلُ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. فَذَرْهُمْ أي délaisse-les, laisse-les, يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا. أي polémique, ils jouent, أي ils se sont préoccupés de choses, ça les a éloignés de l'akhira. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. أي jusqu'à ce qu'ils rencontrent ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis qu'il ressuscitera tout le monde et ça arrivera. قال عز وجل يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فأما الحال هؤلاء, ils ont démenti, ils sont moqués, ils avaient de l'orgueil, أما quand ils seront ressuscités فخاشعة قال عز وجل خاشعة أبصارهم. Ils auront les yeux ouverts. Quand une personne elle a peur, elle est terrorisée, elle laisse les yeux ouverts. ترهقهم ذلة. Et كذلك ils seront humiliés. قال عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فتأمل هذا الحال. Est-ce que ça fait partie de la raison saine de délaisser Al-Akhira pour vivre libre comme ils appellent fi dunya et faire partie de Ha'oula Yawm al-Qiyamah? Wallahi, leur liberté à laquelle ils appellent et leur égalité et tous ces afkars des kuffars, c'est que pour t'éloigner de ton din, fahdhar. Et si tu t'éloignes de ton din, tu t'écartes de ton din, tu oublieras hadha al-yawm. Et si tu oublies hadha al-yawm, fata'ammal qawlahu azza wa jal khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه في تفسيره وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم قد ملك قلوبهم أي الذلة أي seront humiliés, rabaissés, القلق كذلك ils auront la poitrine serrée, tout ça c'est rentré dans leur cœur, عياذا بالله. Ils auront plus espoir الآن, ils auront plus cet orgueil, ils auront plus cette vantardise, ils auront plus cette moquerie envers les croyants. أبدا. الآن ils savent que وعد الله, ils sauront plutôt que وعد الله c'était حق. قال الشيخ سعدي واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار. C'est pour ça qu'ils auront les yeux grands ouverts. لأن الآن ils sauront que c'était حق. لكن est-ce que ça sera utile? أبدا. C'est trop tard. قال رحمه الله وسكنت منهم الحركات حتى ils bougeront plus. وانقطعت الأصوات et t'entendra plus un son. هكذا الكافر. قال فهذه الحال والمآل وهذا يومهم الذي كانوا يوعدون ولابد من الوفاء بعهد بوعد الله. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. نحن ندي مؤمنين ولله الحمد. Et on a cette عقيده أن الله nous ressuscitera et on sait que c'est حق. فأنا n'a pas le droit de se contredire et de délaisser et de ne pas préparer هذا اليوم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. أي vous serez ressuscité nu, pieds nu et pas circoncis. قالت عائشة قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا. عائشة رضي الله تعالى عنها elle a une réaction normale. أي من شدة الحياء. Elle était pudique, radiyallahu anha. C'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a directement pensé, est-ce que on sera tous rassemblés, les hommes et les femmes, dans cet état, et nu? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك. Aïe, ça sera beaucoup plus difficile. Aïe, les gens, ils n'auront pas le temps de penser à هذا. الأمر أشد. Ils seront dans une situation catastrophique pour certains. Et بعضهم حتى المؤمن il aura peur لأنه il sait pas qu'est-ce que les comptes ils lui réservent. ما يدري. الآن ils sont ressuscités, ils sont nus. فكل واحد الآن il pense au compte. فلهذا personne n'aura le temps de penser, de regarder l'autre. أبدا. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. وقال عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولقد جئتمونا فرادا. أي vous reviendrez à nous seul. كل واحد viendra seul. حتى les vêtements il aura plus de vêtements. كما جاء في الحديث عراء nu. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال الإمام القرطبي رحمه الله أي جئتمونا واحدا واحدا. Personne ne manquera à l'appel أبدا. لأن celui qui ressuscitera les morts c'est رب العالمين. C'est le خالق, c'est le خبير عز وجل. كل واحد منكم منفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد. Chacun d'entre nous il sera seul. Ni famille, ni argent, ni enfant, ni ami. فلهذا fais attention de ne pas faire passer ces choses avant ton din. لأن ces choses elles te délaisseront au moment où tu auras le plus besoin. يوم القيامة. قال ولا ناصر كذلك. Personne pour t'aider. Ni famille, ni les membres de ta ville. أبدا. Tout seul. قال مما كان يصاحبكم في الغي ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله. كذلك أن من يعبد غير الله كما هو حال البعض عياذا بالله أن البعض الآن ils adorent autre qu'Allah. Ils placent leur confiance en autre qu'Allah. Ils adorent des tombes. Ils adorent des saints. Ils vont voir des sorciers quand ils ont un problème. يوم القيامة, quand tu seras ressuscité, tu seras tout seul. ولقد جئتمونا فرادا. Personne pour t'aider. Donc reviens à Allah Azza wa Jal fi dunya. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal fi dunya. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul fi hadhihi dunya. Et inshaAllah, يوم القيامة, tu feras partie des gens heureux. فلنجتهد جميعا في طاعة الله. On doit tous faire des efforts في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donner de l'importance à ce علم. On n'a pas été créé عبثا comme des animaux. لا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour quelque chose de noble, quelque chose d'important. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On doit faire attention de ne pas délaisser cette عبادة. Et vous savez tous, ولله الحمد, أن en ces moments difficiles, أَعْدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِحَارَبُ الْإِسْلَامِ إِحَارَبُ السُنَّةِ. Et ils font tout pour nous écarter de هذا. Donc, نَجْتَهِدْ جَمِيعًا. On fait des efforts. Et on sait, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, et on doit savoir أَنَّهَا سَيُنِ التَّقْفَقَتْ. فالصبر. On doit patienter. فالقابد على دينه كالقابد على الجمر. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ces périodes difficiles, l'approche du jour du jugement, celui qui s'accroche à son dîn, c'est comme s'il s'accroche à une braise. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه الإمام مسلم. Chacun de nous, il sera ressuscité على ما مات عليه. Celui qui est mort à la sunna, à la khair, celui qui est mort à la ta'at Allah wa ta'at Rasulih صلى الله عليه وسلم, il sera ressuscité على هذا الخير. وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسَ, celui qui a fait aucun effort, celui qui n'a pas donné de l'importance à son dîn, celui qui a délaissé son dîn, فَتَقَدَّمْ مَعَنَا حَالَ الْكَافِرِينَ. On a vu l'état de ceux qui mourront à la غير الإسلام ou à la غير الإيمان. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عند تفسير قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي حافظوا على الإسلام. الله سبحانه وتعالى dans le verset qu'on a cité في خطبة الحاجة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أي كخني الله عز وجل حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي fait tout pour ne pas mourir, pour mourir en tant que muslim. Tu dois tout faire pour هذا, faire des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Celui qui veut faire des efforts, il l'aide. Celui qui aime le haq, il le facilite. Celui qui accepte le conseil, il le guide. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير أي حافظوا على الإسلام. C'est la plus grande ni'ma. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هكذا قال عز وجل. هذا الإسلام c'est la plus grande ni'ma. Ne laisse pas une personne qui n'a aucun poids عند الله ولا عند عباده الصالحين t'écarter de ce Islam. لأنهم الآن يحاربون الإسلام. Et ils salissent l'image de l'islam. Anta en tant que mu'min, c'est une ni'ma azima. Et beaucoup de gens, ils essayent de t'enlever cette ni'ma. Fahafid alayha, fais des efforts et fais tout pour mourir ala hadha al-khayr. Hafidhu ala l'islam fi hali sihatikum wa salamatikum li tamutu alayhi. Fais des efforts. Liana, demain, tu sais pas, est-ce que tu pourras faire telle chose? فربما une maladie, ربما une fitna, ربما t'es préoccupé par des choses. فprofites-en الآن. T'es في عافية, t'es في خير. قال رحمه الله فإن الكريم قد أجرى عادته. قال فإن الكريم قد أجرى عادته أنه من عاش على شيء مات عليه. من عاش على شيء مات عليه. لأن الله عز وجل il est juste. Celui qui fait des efforts في السنة, celui qui fait des efforts في التوحيد, il déteste الشرك, il déteste المشركين, il fait des efforts dans son dîn et il délaisse cette dunya qui lui fait du mal et les choses qui lui feront du mal, et il prend de cette dunya que les choses utiles. Et cette dunya pour lui c'est quel mazra, c'est comme un champ. أنه il sème et il espère récolter يوم القيامة. فهذا إن شاء الله il mourra على خير. Pourquoi? Parce qu'il a fait du khayr. وهكذا العكس, celui qui fait aucun effort, Et celui qui déteste Hadaddin et qui combat Hadaddin, en général, il mourra ala Hada al-Shar. Wa man mat alay, bu'itha alay. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose. Qala ibn Kathir, fa'iyadan billah min khilafi dhalik. Ad-du'a. On doit faire du'a an Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide et il nous fait mourir ala al-Islam wa sunna. Thumma, idha ba'ath Allah al-Khalq, si Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt quand Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera al-khalq, les créatures, yuqalu lahum kama fi hadith Abdullah ibn Amr al-mutaqaddim, le hadith qu'on avait cité en Abdullah ibn Amr, fayaqul ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun, quand ils seront ressuscités, quand ils seront debout nus, les yeux grands ouverts, ils entendront هذا القول. On leur dira يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. أي arrêtez-les, ils seront interrogés. لأن la résurrection qu'on a cité l'un, cet être humain, cet homme, cette femme, ils sont prêts, ils sont debout et ils se dirigeront إلى أرض المحشر et les comptes ils commenceront. وقفوهم إنهم مسؤولون. Arrêtez-les, ils vont être interrogés. Prépare cet interrogatoire, prépare les réponses l'un. Prépare les réponses l'un, l'anna ce jour, la yamfa' al-kadib, wala al-talbis, wala al-mughalatat, ça sera d'aucune utilité. Fait dunya, ba'd an-nas, ils subissent des interrogatoires, que ce soit en justice ou autre, et ba'dhum ils mentent, ba'dhum ils ont du talbis, ba'dhum ils trichent. Amma fi hadha al-yawm, fala yamfa' illa al-sidq, wala yamfa' illa al-ikhlas. Et la seule chose qui sera utile, c'est ta sincérité et tes œuvres. ونتكلم في هذا الموضوع في كلمة لاحقة إن شاء الله تعالى. On essaiera de traiter le sujet, la suite de هذا sur les comptes dans une كلمة à venir بإذن الله عز وجل. ونسأله سبحانه حسن الخاتمة والثبات على الحق والسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وحياكم الله.